dans les paroles, dans les actes, et de se tenir droit et de patienter jusqu'à la mort, jusqu'à ce que vienne la mort. Fin de parole de Cheikh Ibn Baz, rahimahullah ta'ala. Donc ce livre, nous disons, c'est la parole du Créateur des mondes, Rabbul Alamin, Khaliq kulli shay, Al-Wahid alladhi yastahiq al-ibada, Al-Hakim. C'est celui qui, le Créateur de toutes choses, le seul méritant d'être adoré et le sage. Wal-Hikma, hiya allati hiya wad al-shay, fi mawdi'ihi, wa tunazilu an-nas manazilahum. C'est le fait de mettre chaque chose à sa place et de donner à chaque être son droit et son rang. سَوَنْ كَانَ مِنَ الْمَلَائِكَةِ وَمِنْ بَنِي آدَمَ وَمِنَ الْجِنِّ وَالشَّيَاطِينِ وَمِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالْكِبَارِ فِي السِّنِّ وَالْأَوْلَادِ حَتَّى الْحَيَوَانَاتِ. Et cela qu'il s'agisse même des anges, des malaïkas, des fils d'Adam, c'est-à-dire les humains, des djinns, des shayatins, de l'homme, de la femme, des personnes âgées, des enfants et même des animaux. Allah subhanahu wa ta'ala n'a pas créé vainement ce monde, contrairement à ce que pensent les kuffars. يقول سبحانه ما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وأجل مسمى والذين كفروا عما أنذروا معرضون. Nous n'avons créé les cieux et la terre et ce qui est entre eux qu'en toute vérité et pour un terme fixé. Ceux qui se sont mécrus ou ceux qui ont mécru se détournent de ce dont ils ont été avertis. ويقول سبحانه وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما باطلا ذلك ظن الذين كفروا فويل الذين كفروا من النار. Nous n'avons pas créé le ciel et la terre et ce qui existe entre eux en vain. Et ce qui existe entre eux en vain, c'est ce que pensent ceux qui ont mécru. Malheur à ceux qui ont mécru pour le feu qui les attend. Wali'az billah. Allah nous informe de la principale cause min khalq al-insan, de la création de l'homme. Comme il dit, وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Et je n'ai créé les djinns et les hommes que pour qu'ils m'adorent. وَهُنَا كَلِمَتْ إِنْسَ. Là, le mot ins veut dire le genre humain dans sa totalité. Qu'il s'agisse des hommes comme des femmes. Hein? Des hommes comme des femmes. Ce qui implique son obéissance et la soumission à son ordre. Car à l'origine, dans les textes religieux et les règles qui s'y appliquent, que les jugements s'appliquent pour tous les mukallafines. Hein? Hommes ou femmes. Hormis en présence d'une preuve qui ferait pour spécifier la différence entre les deux. C'est-à-dire des règles qui seraient propres aux hommes et des règles qui seraient propres aux femmes. Mais l'origine, c'est que les deux sont sous le même jugement. Donc, j'ai choisi le sujet qui va suivre, non pas en but de dénigrer les femmes en islam, bien au contraire, mais en guise de rappel pour tous. Et en guise de réfutation contre une idéologie et d'une nouvelle forme d'offensive menée contre l'islam depuis son intérieur. Depuis le foyer de l'homme, depuis son domicile, depuis son milieu de vie quotidienne. Et cette idéologie qui s'attaque à la source de l'éducation de ses enfants, qui représente les générations à suivre, et l'avenir de cette umma en cette dunya. La cible de cette idéologie, c'est la femme. Hein, c'est la femme. Et tout particulièrement la muslima, dans son excellence. La soumise à son seigneur, la pieuse, la chaste, obéissante dans le convenable à son époux. La source de plaisir et de repos dans sa demeure, l'éducatrice de ses enfants. Cette femme, la muslima, hein, al-muttaqiyah, qui est parfaitement consciente de la cause de sa présence sur terre et de la cause de sa création. Quelle est sa responsabilité en ce bas monde et quelle est sa place dans la création, comme cela est clairement indiqué dans les textes religieux provenant du seigneur des mondes, Rabbul Alamin, et non pas des hommes. Ses jugements et ses décrets proviennent d'Allah et non des hommes. Donc cette femme qui sait qu'elle n'est que de passage et sera amenée à mourir pour comparaître devant le juge des juges, hein, et que cette prise de conscience et sa mise en pratique seront une cause d'obtention de l'agrément de celui qu'elle adore et qui lui accordera son paradis dans lequel elle vivra éternellement. Où elle y trouvera tout ce que Allah subhanahu wa ta'ala lui a promis comme délices et plaisir et de repos. Donc là, Walen, un point important à savoir qui est que beaucoup de femmes en islam, même pour dire la plupart, n'ont pas grandi soit dans l'islam à proprement parler, c'est-à-dire elles ont grandi dans la mécréance, elles n'étaient pas des musulmans et se sont converties, ou alors qu'elles y ont partiellement grandi, c'est-à-dire dans l'ignorance, avec une conception erronée de sa réalité, c'est-à-dire de l'islam et de ses vraies valeurs. De là, cette idéologie dont nous allons parler les a probablement atteintes de près ou de loin, dû à l'éducation qu'elles ont reçue, c'est-à-dire à la maison, par des parents étant eux-mêmes ignorants, ou à l'extérieur, dans ses fréquentations, ou bien par le biais des médias et autres. Hein? Elle a sûrement dû avoir été touchée par cette idéologie. Et aujourd'hui, on peut trouver chez certaines d'entre elles, bien qu'elles aient reçu la guidée, Walilah al-Hamd et Kullu Wahida bihasbi ilmiha, et chacune en mesure de sa science acquise, car elles ne sont pas toutes sur le ménage des salafs, ce n'est pas toute muslima qui est salafia. Mais on peut parfois voir chez certaines des restes de cette idéologie, hein, chez Mineta Athur, alayhinna, encore enfouie en elle, qui se reflète à travers certaines attitudes, certains comportements, certaines paroles pouvant apparaître lors de divergences, où l'homme serait amené, c'est-à-dire ces divergences, lors desquelles l'homme serait amené à leur rappeler leur rang lors des différends, ou même une femme, une autre femme, plus savante ou plus pieuse qu'une autre, lui ferait le rappel par rapport au statut de la femme. Car il est connu que le point de retour pour tout musulman lors d'un désaccord entre les frères ou entre les sœurs, ou même entre les frères et les sœurs entre eux, entre les deux genres, hein, c'est le Coran et la Sunna. Comme a dit Allah, « Ya ayyuhalladhina amanu, atti'u Allah wa atti'u Rasul wa uli amri minkum, wa in tanazatum fi shay'in farudduhu ila Allah wa ar-Rasul in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir, dhalika khayrun wa ahsanu ta'wila. » Ô les croyants, obéissez à Allah et obéissez aux messagers et à ceux d'entre eux qui détiennent le pouvoir. Puis, si vous disputez en quoi que ce soit, revenez, renvoyez-la à Allah et aux messagers. Si vous croyez en Allah et au jour dernier, ce sera de bien meilleures interprétations, yani aboutissement. Fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuḥakkimūka fī mā shajara baynahum, thumma la yajidū fī anfusihim ḥarajan mimma qadayt wa yusallimū taslīmā. Non, par ton Seigneur, ils ne seront pas croyants. Il dit bien, ils ne seront pas croyants aussi longtemps qu'ils ne t'auront demandé de juger de leur dispute et qu'ils n'auront éprouvé nulle angoisse pour ce que tu auras décidé et qu'ils se soumettent complètement à ta sentence. Donc le rujour fil atana al-khilaf bin al-muslimin wa kitabullah wa sunnat rasulih sallallahu alayhi wa sallam. Donc là je précise pour ne pas mélanger les pinceaux que les gens interprètent pas les paroles, de ne pas comprendre que seules les femmes peuvent être amenées à rétorquer et ne pas accepter un jugement religieux. Al-hukm shar'i. Cela peut également se produire chez l'homme. Et par d'autres idéologies que ce dont nous allons parler aujourd'hui. Inch'Allah. Mais on vient là pour cerner et parler d'un sujet en particulier. Donc cette idéologie que je vise est celle qui est appelée aujourd'hui le féminisme. Qu'on appelle le féminisme. Qui est un phénomène en réalité assez ancien, mais qui a pris sa véritable ampleur en cette époque où les vraies valeurs et les bonnes mœurs se perdent, laissant place malheureusement à la débauche et aux turpitudes et au désordre. Hein? Non. Donc tout d'abord, il faut savoir qu'est-ce que le féminisme. Qu'est-ce que le féminisme? Donc son étymologie, comme on peut trouver dans les dictionnaires, dans les sites qui en parlent, vient du mot latin femina, qui vient du mot femme. Hein? Femina, qui vient du mot femme. Les koufars, qui en sont les concepteurs, le qualifient comme un ensemble d'idées politiques, philosophiques et sociales, cherchant à définir, promouvoir et établir les droits de la femme dans la société civile et dans la sphère privée. Ils s'incarnent dans des organisations dont les objectifs sont d'abolir les inégalités sociales, politiques, juridiques, économiques et culturelles dont les femmes et les hommes, d'après eux, je ne sais pas pourquoi entre les hommes, ils disent les hommes, sont victimes. Il est également défini comme une doctrine ou une attitude politique, philosophique et sociale fondée sur quoi? L'égalité des sexes. Hein, l'égalité des sexes, c'est-à-dire l'égalité entre eux, les hommes et les femmes. La pensée féministe cherche en particulier, dans ce qu'ils disent, l'amélioration du statut des femmes dans les sociétés ayant une tradition bâtie sur l'inégalité des sexes. Voilà, takriban, ma wa ta'lif, yani, a dil fikra, and del kuffar. Ce qui est approximativement la définition de ce féminisme chez ceux qui l'ont fondé. Donc, nous disons, cette doctrine, nommée féminisme, a pour simple but, c'est-à-dire d'après eux, d'après ce qu'ils disent, de rendre à la femme les droits dont elle se voit privée. Qu'ils considèrent cela comme faisant partie de l'égalité des sexes. Que la femme est l'égale de l'homme. Hein? Et qu'elle doit être mise au même piédestal dans cette société, qu'elle a droit au même traitement de faveur, qu'il s'agisse du privé, c'est-à-dire à la maison, ou du professionnel, c'est-à-dire au travail. Non. Donc, fi'lan, fil haqiqa, toute personne prévenue et clairvoyant sur ce sujet, qu'il soit musulman ou même autre qu'un musulman, un kafir, un mécréant, lisant entre les lignes, il a déjà perçu la vraie définition de ce féminisme, qui en réalité mérite d'être plus nommé comme étant la dénaturation de la femme. La dénaturation de la femme. C'est ça le vrai sens du féminisme par en dessous. Hein? Par en dessous, c'est ça que ça veut dire. Car il est connu que parmi les ruses de Shaitan, pour égarer l'homme, qu'il attribue aux choses des appellations, hein, les sortant de leur réalité. C'est un fait cité par l'imam As-Sana'ani, rahimahullah ta'ala, dans son livre Tathir al-Irtiqad, où il cite une règle qui est que Al-Asma la Tughayyir al-Ma'ani. Que les noms, hein, ne changent pas le sens. Et il a cité pour cela l'histoire de notre père Adam alayhi salam, lorsque Shaitan lui enjoliva par le biais de Hawa de goûter de l'arbre interdit, qui en fait voulait le faire désobéir à son Seigneur, qui lui avait interdit de l'approcher. Yaqulu subhana, fawaswasa ilayhi shaitan, qala ya Adam, hal adulluka ala shajarati khuldi wa mulkin la yabla. Donc il dit, dans le sens, puis Shaitan le tenta en disant, ô Adam, t'indiquerai-je l'arbre de l'éternité et un royaume impérissable? Donc là, on voit quoi? Que Shaitan le nomma, cet arbre, arbre de l'éternité et d'un royaume impérissable. Et comme ce que rapportait l'imam Ahmed, rahimahullah ta'ala, et autres selon Ibn Muhayriz, qui dit avoir entendu un homme, c'est-à-dire un sahabi, dire que Al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam, inna unasan min ummati, yashrabun al-kham, yusammunahu bighayri ismi. Que des gens de ma communauté vont boire de l'alcool et le nommeront pas autre que ça, son appellation, que son vrai nom. Ils n'appelleront pas alcool, ni vin, ni autre. Et ce hadith a été authentifié par l'imam Al-Albani, rahimahullah ta'ala. Donc, par exemple, on sait que certains, par exemple, aujourd'hui, nomment l'alcool. L'alcool a été nommé l'eau de vie. Hein? Est-ce que cela le rend licite pour autant? Est-ce qu'il devient halal, l'eau de vie? Non. Al-Kham, Kham. Al-Haram, Haram. Comme a dit le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, in al-halal bayyin wa al-haram bayyin. Que le halal est clair et le haram est clair. Également, le kufr, la mécréance, il l'appelle liberté de culte. Et le kufr reste kufr. Ça reste du kufr. Également, le fait de consommer des drogues, ils appellent ça quoi? De l'évasion. Pour pas appeler ça l'ivresse ou ils appellent ça aussi planer, comme ils disent. Mais bon, évasion, c'est plus soutenu, ça cache un peu plus la chose. Donc tout cela, pourquoi? Comme nous avons dit, pour enjoliver le mal ou le minimiser aux yeux des gens. Sans que pour autant l'islam, cela le sorte de son interdiction. C'est pas tu changes le mot, il deviendra halal. Hein? Nous, on reste sur la réalité de la chose. Donc ce mot féminisme est un mot pouvant paraître plaisant et en apparence pour la femme, qu'elle est prise en considération, que ses droits doivent lui être rendus. Tout d'abord, il faut revenir à la source des choses pour savoir quels en sont les droits à revendiquer. Pour revendiquer une chose, il faut déjà connaître la source. Ce n'est pas toute personne qui débarquerait aujourd'hui qui réclamerait quelque chose qu'on lui attribuerait. Non. Comme cela fait rapporter dans le hadith, par Al-Bayhaqi, et également partiellement présent chez As-Sahihayn, selon Ibn Abbas, radiallahu anhu, quand le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, law yu'ta an-nas bidawahum, ladda'a rijalun amwal qawmin wa dima'ahum. Nous l'avons dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que si on donnait aux gens ce qu'ils réclament ou ce qu'ils veulent s'approprier, alors, ou plutôt si on donnait aux gens ce qu'ils prétendent, chacun selon ses prétentions, alors chacun réclamerait ou tenterait de s'approprier les biens des gens ou leur sang. Hein? C'est pas toute personne qui prétend une chose qu'on lui accorde. Donc cette idée d'égalité entre les deux genres, c'est-à-dire l'homme et la femme, celle-ci est totalement rejeté bin nusus ni Qur'an wa sunnah wa bil aql kadhalik wal mantiq, que cela est complètement rejeté par les textes religieux du Coran et de la sunnah, mais également par la raison et la logique. Awalan ma hiya usul al insan, quelles sont tout d'abord les origines de l'homme? Yaqulu subhanahu wa ta'ala fi kitabil karim wa idh qala rabbuka lil malaika inni ja'ilun fil ardi khalifa qalu tajalu fiha ma yufsidu fiha ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم فلما أنبأهم بأسمائهم قال ألم أكن لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون وما كنتم تكتمون وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين فأزلهما الشيطان عنها فأخرجهما مما كانا فيه وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم. Dans le sens, il dit, lorsque ton Seigneur confia aux anges, je vais établir sur terre un vicière, c'est-à-dire un khalifa. Il dit, vas-tu y désigner un qui y mettra le désordre et répandra le sang, quand nous sommes là à te sanctifier, à te glorifier, il dit en vérité, je sais ce que vous ne savez pas. Et il apprit à Adam tous les noms de toutes choses. Puis, il les présenta aux anges, aux malaïka. Et il dit, informez-moi des noms de cela, si vous êtes véridiques. Ils dirent, gloire à toi, nous n'avons de savoir que ce que tu nous as appris. Certes, c'est toi l'omniscient, le sage. Il dit, ô Adam, informe-les de ces noms. Puis quand celui-ci les eut informés de ces noms, Allah dit, ne vous ai-je pas dit que je connais les mystères des cieux et de la terre, et que je sais ce que vous divulguez et ce que vous cachez. Et nous dîmes, ô Adam, habite le paradis, toi et ton épouse, toi et ton épouse, et nourrissez-vous-en de partout à votre guise. Mais n'approchez pas de l'arbre que voici, sinon vous seriez du nombre des injustes. Peu de temps après, Shaitan les fit glisser de là et les fit sortir du lieu où ils étaient. Et nous dîmes, descendez, c'est-à-dire du paradis, ennemis les uns les autres, et pour vous il y aura une demeure sur la terre et un usufruit pour un temps. Puis Adam reçut de son Seigneur des paroles, et Allah agréa son repentir, car c'est lui, certes, le repentant et le miséricordieux. Al-Mufassirun, les gens du tafsir, les ulama du tafsir, qu'est-ce qu'ils disent ? De ce verset que Allah a voulu instaurer sur terre la race humaine, en vue de gouverner et d'établir son ordre. Et il leur a assujetti tout ce qui s'y trouve, comme il dit, et c'est lui qui a créé pour vous tout ce qui est sur terre. Hein, tout ce qui est sur terre. Donc le premier est le père de toute la race humaine est le prophète Adam, alayhi salat wa salam, qu'Allah a créé de sa propre main, à partir de terre malléable. Puis il ordonna aux anges, il leur donna aux malaïka de se prosterner pour lui. C'est-à-dire, prosternation de soumission à Allah et de révérence à Adam, et non pas d'adoration envers lui. Puis il créa par la suite son épouse Hawa, à partir d'une de ses côtes. Ya ayyuhan nasu ittaqoo rabbakum allazi khalaqakum min nafsin wahida wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhumā rijālan katīran wa nisā'a. Ô homme, craignez votre Seigneur qui vous a créé d'un seul être et a créé de celui-ci son épouse. Et qui de ces deux-là, c'est-à-dire l'homme et la femme, a fait répandre sur terre beaucoup d'hommes et de femmes. Yaqūl ibn Kathīr rahimahullah ta'ala fi tafsīr hadhihi al-āyah. Ibn Kathīr dit par rapport à ce verset, يقول تعالى آمرا خلقه بتقواه وهي عبادته وحده لا شريك له منبها لهم على قدرته التي خلقهم بها من نفس واحدة وهي آدم عليه السلام قال وخلق منها زوجها وهي حواء عليه السلام خلقت من ضلعه الأيسر من خلقه وهو نائم فاستيقظ فرأها فأعجبته فأنس إليها فأنست إليه. Donc il dit que Allah, dans ce verset, ordonne sa création, la taqwa, la piété. Il leur ordonne de faire preuve de taqwa. Et celle-ci consiste à quoi ? À l'adorer seul, sans le donner d'associé. Mettant en évidence sa capacité par laquelle il les a créés, à partir d'une seule âme, hein, et qui est celle de Adam, alayhi salam, comme il dit, dans le sens, et de lui créa son épouse, qui elle est Hawa, que les koufars appellent Ève, alayhi salam. Donc celle-ci fut créée du côte gauche de Adam. D'accord ? Du côte gauche de Adam. Alors qu'il était en train de dormir. Alors il se réveilla et la vit. Elle lui plut. Hein, et tous les deux s'accoutumèrent l'un à l'autre. Ils s'attachèrent l'un à l'autre. Wa ibn Abbas qala khuliqat al-mar'atu min ar-rajul. Faj'ala nahmataha fi al-rajul wa khuliqa ar-rajul min al-ard. Faj'ala نهمته fil ard. Fahbasu nisa'akum. Ibn Abbas dit quoi? Que la femme a été créée à partir de l'homme. Donc son besoin a été placé dans l'homme. Et que l'homme, lui, a été créé de la terre. Et que son besoin a été créé, ou plutôt son besoin est placé où? Dans la terre. Donc retenez vos femmes, comme il dit. Retenez vos femmes. Wa fil hadith sahih, an Abi Huraira, qala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, inna al-mar'ata khuliqat min dil'. لن تستقيم لك على طريقة فإن استمتعت بها استمتعت بها وبها عوج وإن ذهبت تقيمها كسرتها وكسرها طلاقها. Donc Ibn Abbas, ou plutôt le prophète sallallahu alayhi wa sallam, comme cela fut rapporté dans les deux sahih, selon Abu Huraira, qu'il dit que la femme a été créée d'une côte, à partir d'une côte. Elle ne sera jamais droite pour toi. C'est-à-dire la femme. Et que si jamais tu profites d'elle, tu jouis d'elle, alors profite d'elle avec cette distorsion. Et que si jamais tu veux la redresser, alors tu vas la briser. Et cette brisure, c'est quoi? Le divorce, la séparation. وَقَوْلُهُ وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً أي ذَرَأَ مِنْهُمَا أي مِنْ آدَمْ وَحَوَى رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَنَشَرَهُمْ فِي أَقْطَارِ الْعَالَمِ عَلَى اخْتِلَافِ أَصْنَافِهِمْ وَصِفَاتِهِمْ وَأَلْوَانِهِمْ وَلُغَاتِهِمْ. Donc par rapport à la parole, où il dit que de eux deux, il propagea beaucoup d'hommes et de femmes, c'est-à-dire leur descendance de Adam et de Hawa. Beaucoup d'hommes et beaucoup de femmes. Qu'il propagea dans tous les coins du monde, avec des différences de genre, c'est-à-dire d'apparence, de race, ou d'attributs, ou de couleur, ou de langue. Et ensuite, c'est vers Allah qui est le point de retour. Naam. Donc, de là, nous apparaît clairement que la création de l'homme devança celle de la femme, qui fut créée à partir de sa propre constitution. Que la femme, elle, vient de l'homme. Et Allah fit prosterner les malaïka pour Adam. Il est cité nulle part qu'il en fut de même pour Hawa. Nulle part, on a su que Allah fit prosterner les malaïka pour Hawa. Et également, tous les versets citant l'histoire de Adam, alayhi salam, Allah le nomme par son nom, contrairement à Hawa, où il la cite comme étant son épouse. Dans les versets, Allah dit Zawjuha. Elle n'est pas nommée. Et même dans les hadiths, elle n'est venue que très peu. Que très peu dans les hadiths. Donc Allah nous explique également le but de la création de la femme par rapport à l'homme. Yaqulu subhana wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwaja litaskunu ilayha wa ja'ala baynakum mawaddatan wa rahma. Et parmi ces signes, il a créé de vous, pour vous, les hommes, pour vous les hommes, des épouses, pour que vous viviez en tranquillité avec elle, et il a mis entre vous de l'affection et de la bonté. Il y a en cela des preuves pour des gens qui réfléchissent. Wa yaqulu tabaraka wa ta'ala huwa alladhi khalaqakum min nafsin wahida wa ja'ala minha zawjaha liyaskuna ilayha. Hein? Il est celui qui vous a créé d'une seule âme et fut d'elle son épouse afin qu'il cohabite avec elle. Yaqulu Shamkiti fi adwa al-bayan rahimahullah ta'ala. ذكر في هذه الآية الكريمة أنه خلق حواء من آدم ليسكن إليها أي ليؤلفها ويطمئن بها وبين في موضع آخر أنه جعل أزواج ذريته كذلك. Donc là, Shalqiti, rahimahullah, dit quoi? Il dit que dans ce noble verset, Allah a cité qu'il a créé Hawa à partir de Adam afin qu'il puisse cohabiter avec elle. Hein? Qu'il puisse s'attacher à elle et se rassurer par rapport à elle, c'est-à-dire par rapport à sa femme. Et dans d'autres endroits du Coran, il cite qu'il en fut de même pour les épouses de sa descendance. C'est la même raison, c'est la même cause. D'accord? La même cause. Donc ces versets démontrent bien la provenance de l'origine et de la création de la femme, et la cause de sa présence. Que l'homme fut créé en premier, puis que de lui Allah cria son épouse, afin qu'elle soit une compagnie pour lui, qu'ils échangent de l'affection, et qu'elle soit un moyen d'obtenir sa progéniture. Cela, la base, pourrait suffire amplement au croyant, car le kafir lui croit pas au Coran. Le kafir croit pas au Coran. Mais pour le croyant, cela suffit amplement pour savoir que l'homme et la femme ne sont pas égaux. Cependant, la abbas anazid adillatan ukhra ala dhalika. Pas de mal à ce qu'on rajoute d'autres preuves sur cela. Kafiku li ta'ala, wa li rijali alihinna daraja. Wallahu azizun hakim. Et que les hommes ont cependant une prédominance sur elles, et Allah est puissant et sage. Wa yakulu subhana, الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم. Et les hommes ont autorité sur les femmes en raison des faveurs qu'Allah accorde à ceux-là sur celle-ci et aussi à cause des dépenses qu'ils font en bien, ou de leur bien. ويقول سبحانه وليس الذكرك الأنثى وليس الذكرك الأنثى et que le garçon n'est pas comme la fille, hein, le mâle n'est pas comme la femelle. Donc tout cela par décret d'Allah. Il n'y a pas lieu d'en s'en révolter ou de dire pourquoi c'est comme ça. لا يسألوا عما يفعلوا وهم يسألون. Il n'est pas interrogé sur ce qu'il fait, mais ce sont eux qui devront rendre compte de leurs actes. On n'a pas demandé à Allah pourquoi. هكذا. وقال كذلك الله يفعل ما يشاء. Et Allah dit, comme cela, Allah fait ce qu'il veut. Hein? Allah fait ce qu'il veut. Donc maintenant, analysons un peu avec la raison et la logique, puisqu'elles sont le lit de réflexion des koufars, des mécréants. C'est avec ça qu'ils raisonnent. La base chez l'humain, hein, Allah nous octroyait quoi ? Deux yeux, tous, à la base, deux yeux, et un cerveau, afin de réfléchir et de l'utiliser comme il se doit. Et analyser les choses autour de nous. Donc lorsqu'on voit la constitution de l'homme et celle de la femme, les différences, elles sont flagrantes. La fille n'a pas lieu. Mais la chèque physique. L'homme est plus grand. Il est plus massif. Il est plus velu. Il est muni d'une voix grave. Ses parties génitales diffèrent de celles de la femme. Là, on parle du genre masculin dans son ensemble. Et non pas du cas par cas. Car c'est vrai que des fois, on peut trouver une femme plus grande qu'un homme. Ça existe. Une femme plus massive qu'un homme. Ça existe. Une femme qui a plus de poils qu'un homme. Ça existe. On sait ça. Mais ça, c'est des cas exceptionnels. Là, on parle de l'origine. Du genre masculin et du genre féminin. Et la femme, elle, on voit, elle est constituée de sorte à pouvoir enfanter, et pas l'homme. Qu'elle peut allaiter, et pas l'homme. Toutes ces choses tirées de la logique, hein, ne peuvent qu'amener à déduire que ces différences physiques sont établies pour des séparations de tâches. On n'est pas conçu pour faire la même chose. Des choses sont communes chez l'homme, chez la femme, certes, comme l'adoration d'Allah. Certains actes peuvent être faits par l'un par l'autre, et la différence, par contre, certaines choses sont propres à l'homme, et d'autres sont propres à la femme. Et qui donc irait prôner une doctrine de masculisme, hein, je ne sais même pas si le mot existe, ça n'existe pas ça, le mot masculisme je ne l'ai pas trouvé. Mais qui c'est qui irait faire cette doctrine de masculisme afin de rendre à l'homme ce qui est propre à la femme? Ils pourront hurler à son user les cordes vocales des millénaires et des millénaires, l'homme ne sera jamais en mesure d'enfanter ou d'allaiter. Demain on va voir des gens qui vont dire, on veut des droits de l'homme, on veut enfanter, on veut allaiter, ben tahaddak, je te défie de le faire. Faddal, fais-le, va enfanter et va allaiter si tu peux. La femme est atteinte de monstrues. L'homme ne l'est pas. Et les deux genres sont conçus, regardez bien, pour être attirés l'un vers l'autre. Ça veut dire qu'il y a une différence. Si l'homme aime la femme, c'est qu'elle n'est pas comme lui. Et on ne tient pas compte des homosexuels. Eux, on ne parle même pas d'eux. Eux, c'est encore vraiment un cas à part. Eux sont des spécimens, des marginaux. Hein, on ne prend pas en considération leur cas. À la base, l'homme est attiré par la femme, la femme par l'homme. Si l'homme et la femme étaient pareils, et ben l'homme serait attiré par l'homme et la femme par la femme. Mais ça, c'est une chose qui ne suit pas le cours naturel. Non. Donc, on voit que tout ce descriptif s'accorde parfaitement à ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a indiqué dans son livre comme fonction pour l'homme et pour la femme. Tout cela coordonne. Il n'y a pas de trilef, ça va ensemble. Mais eux, ils ne veulent pas accepter. Et quant au côté rationnel, c'est la même chose. Les deux genres diffèrent. L'homme et la femme diffèrent. Il est connu que le moral de l'homme est plus fort que celui de la femme. Que la femme est plus sensible, plus sentimentale, plus fragile. Hein, même sur le plan physique, elle ne peut endurer comme un homme. Hormis la grossesse, il est connu que la grossesse est une chose très difficile pour la femme, que l'homme ne supporterait peut-être pas. Hein, mais Allah ne l'a pas créé pour supporter à la base. Il a créé la femme pour être enceinte et supporter cette grossesse. Mais c'est une chose qui est une épreuve qui est très pénible, très dure. Donc nous disions qu'ils ne sont pas égaux. Les deux êtres, on sait, sont dotés d'intelligence. La femme est intelligente, l'homme est intelligent. Mais cette intelligence, elle n'est pas utilisée de la même manière. La façon de raisonner sur beaucoup de points n'est pas la même. Même dans le vestimentaire, les deux genres sont séparés et distincts. Il n'y a pas photo. Dans les goûts aussi, dans les couleurs, sur beaucoup de plans, même dans les réactions. L'homme, lors de certaines situations, ne réagit pas comme une femme. Et la femme ne réagit pas comme un homme. Ça, c'est connu. Donc là, on n'a cité que quelques exemples, hein, basés sur la raison et la réalité, sur lesquels tout le monde est d'accord. Là-dessus, je pense qu'on est tous d'accord, à part vraiment quelqu'un qui serait obstiné, qui, tu lui montres, ça c'est un chien, il va dire non, c'est une voiture. Il ne veut pas accepter. Tu dis ça c'est un chien, il va dire non, c'est une voiture. Il ne veut pas accepter. Ceux-là, leur kalem, la'ibarabi. Donc comment, après tout cela, peut-on prétendre l'égalité des deux genres? L'homme, à la base, dans son ensemble, est créé faible. Le genre humain est créé faible. Comme quand l'État Allah, Allah veut vous alléger, c'est-à-dire les obligations, car l'homme a été créé faible. Ça, c'est marlouf. L'homme est faible. Cependant, la femme est plus faible que l'homme. La religion nous a informé qu'elle fut créée à partir d'une côte et que la côte est un os courbé. Et cela apparaît à travers la compréhension et le comportement de la femme. D'où Wasiyat al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam, sa recommandation du prophète, de la patience à faire preuve à son égard en vue de bien la traiter. Hein? Pour bien la traiter. Comme il a dit, si tu tentes de la redresser, tu vas la briser. Donc tu ne peux pas. Et si jamais tu jouis d'elle, alors fais-le tout en patientant sur sa distorsion. Il faut patienter, savoir comment elle a été créée. L'homme aussi, il a ses défauts, ses défaillances. Là, on parle du sujet du féminisme. Pour pas dire, je sais pas quand les gens diraient qu'on est des misogynes ou je sais pas quoi, c'est pas vrai. Hein? Les hommes, ils aiment les femmes. Les musulmans, ils aiment les femmes. La polygamie, elle est chez nous, elle est permise. Hein? Les musulmans, ils aiment les femmes. On n'est pas des misogynes. On dit ça pourquoi là? Juste pour citer, et ça en est le sujet, ilmiyen, scientifiquement parlant. Donc cela est une incitation à la douceur et à la miséricorde, et non à la domination par la force. L'autorité de l'homme sur la femme, elle a des limites, elle n'est pas dans l'absolu, et elle a des règles, elle n'est pas n'importe comment. Hein? Donc cette faiblesse chez la femme est une chose voulue par Allah. C'est Allah subhanahu wa ta'ala qui l'a voulu. Comme il dit dans le sens, hein, cet être élevé au milieu des parures et qui dans la dispute est incapable de se défendre par une argumentation claire et convaincante. Hein, ça a le sens de la parole de notre Seigneur, subhanahu wa ta'ala. Yaqul ibn Kathir, fi hadhihi al-aya, ay al-mar'atu naqisa, yukmilu naqsuha bil-libs al-hilyi. منذ تكون طفلة فإذا خاصمت فلا عبارة لها ويقول في مود آخر في نفس آية فالأنثى ناقصة الظاهر والباطن في الصورة والمعنى فيكمل نقص ظاهرها وصورتها باللبس الحلي وما في معناه ليجبر ما فيها من النقص ويقول فيما بعد وما نقص معناها فإنها ضعيفة عاجزة عن الانتصار عند الانتصار La ibarata laha wa la himma. Donc il dit quoi, Ibn Kathir, par rapport à ce verset cité précédemment? Que la femme, hein, est réduite. Et qu'elle complète ce manque en revêtant des parures. Depuis qu'elle est petite. C'est connu, les femmes, on leur met des bijoux, elles ont des vêtements assez plus voyants que les hommes, ainsi de suite. Ça s'appelle des parures. Et que lorsqu'elle se dispute, elle n'arrive pas à argumenter clairement ce qu'elle a à dire. Hein? Elle n'y arrive pas. Souvent même, on la voit, elle pleure. C'est connu, la femme pleure. Quand on n'arrive pas à s'exprimer ou quoi, elle pleure. Certains hommes, n'âmes, ont ce côté-là, mais ce n'est pas l'origine chez l'homme. Tout comme des fois, des femmes sont fortes, arrivent à parler clairement, mais cela également, ce n'est pas l'origine chez la femme. Nous, on parle de l'origine, du genre féminin et du genre masculin. Donc il dit, Ibn Kathir toujours par rapport à ça, que la femme est réduite en apparent et en intérieur. Donc cela, elle est obligée de combler ce manque par... en portant des parures, en s'embellissant. La femme se maquille, la femme se coiffe, la femme fait beaucoup de choses en vue de combler. Et ces choses ne sont pas présentes chez l'homme. L'homme, il sort, ma vigie. L'homme, il n'a pas autant d'entretien pour sa propre personne, pour son apparent, comme la femme. Taïe. Donc il dit également que la femme, lors du moment où elle doit se secourir, elle n'y arrive pas. Elle n'y arrive pas. Hein, elle n'y arrive pas. Et souvent même, elle n'est pas motivée pour cela. À vraiment se défendre. Souvent, ce n'est pas présent chez une femme qu'elle cherchera à se défendre. Intahek alem ibn Kathir. Et avant cela, le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui-même nous a informé de cette faiblesse. Kama qala Abu Sa'id al-Khudri radiyallahu anhu, qala an-nabi sallallahu alayhi wa sallam, ma ra'aytu min naqisati 'aql wa din adh-dhahab lil-lubi ar-rajul al-hazim min ihdakunna. Qulna wa ma nuqsan dinina wa 'aqlina ya Rasul Allah. Qala أليس شعرة المرأة نصف شعرة الرجل؟ قلنا بلى. قال فذلك من نقصان عقلها. أليس إذا حاضت لم تصلي ولم تصوم؟ قلنا بلى. قال فذلك من نقصان دينها. متفق عليه. Donc il dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, je n'ai pas vu d'être plus réduit en raison et en religion, faire perdre la raison à un homme déterminé plus que vous, c'est-à-dire les femmes. Donc elle dit, et quelle est cette réduction dans notre religion et notre raison au message d'Allah? Et il dit, le témoignage d'une femme n'est-il pas la moitié de celui d'un homme? Hein? Que le témoignage d'une femme, c'est la moitié de celui d'un homme. Elle dit, en effet. Et il dit, cela est la réduction de sa raison. Et que si jamais elle est atteinte de ces menstrues, elle ne fait pas la salat ni ne jeûne, elle dit, en effet, il dit, bah, cela est la réduction dans sa religion. Hein? Cela est la réduction dans sa religion. Et d'autres points, là c'est Mimbeb al-Mithal, que le témoignage d'une femme n'est que la moitié de celui d'un homme. Et que la femme est amenée à délaisser la salat et le siyam à cause de ses menstrues. Et à Nabi Huraira, radiallahu anhu, quand le Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, inni uharriju alaykum haq al-da'ifayn al-datim wal-mar'a, qu'il est dit que je vous interdis le droit des deux faibles. Al-da'ifayn, les deux faibles. Qui sont-ils les deux faibles? Il dit l'orphelin et la femme. Le Nabi sallallahu alayhi lui-même appelait la femme comme étant faible. Naam. Et le hadith rahu al-hakim fi musadarak wa sahih ala shurut muslim. Donc, il y a plein de preuves démontrant que la femme est plus faible que l'homme, d'où sa prise en charge par son père lors de son enfance, par son mari par la suite, puis par ses enfants lors de son grand âge, si son mari n'en est plus capable. Et sur cela se base un bien grand nombre de rites en islam. Fi hukuk al-mar'a, dans les droits de la femme. Elle a ses droits en islam, qui sont attribués et qui n'ont pas le droit d'être enfreints. La femme, par exemple, n'est pas en mesure d'accomplir des tâches spécifiques à l'homme. Elle n'a pas été conçue pour cela. Les contraintes amènerait à la briser et à l'éreinter et à lui faire supporter plus que sa charge. Cela, à la base, n'est permis ni pour le servant, c'est-à-dire l'esclave, on n'a pas à le charger plus que ce qu'il ne peut supporter, ni pour une bête, un animal, un âne ou un cheval, alors que dire d'une femme libre, muslima? Donc cette doctrine, qui est le féminisme, c'est lui, ou c'est elle plutôt, qui est un crime et une atteinte aux droits de la femme. Fi'alan. C'est ce féminisme qui lui porte atteinte à la femme. Pour son physique, pour son moral, et surtout pour sa religion, si c'est une musulma. Si c'est une musulma, cette doctrine de féminisme, car on a vu qu'il existe un féminisme musulman, comme ils disent. Les musulmans, dans tout, ils copient les koufars. Ben même là, ils l'ont fait. Ils ont fait un féminisme musulman. La ilaha illallah. Et demain, ils vont nous faire quoi? Une démocratie musulmane. Après, ils vont nous faire quoi? Un communisme musulman. Après, ils vont nous faire quoi? Une laïcité musulmane. Je ne sais pas où on va s'arrêter. Ben, le féminisme musulman, ils nous l'ont fait. Donc, ces femmes féministes, là, on parle surtout des koufars en général, protestent de ne plus vouloir, et des musulmans aussi les copient, il y a des femmes dans l'islam qui les copient en cela, les prennent comme exemple. Protestent de ne plus vouloir être des femmes au foyer. Khalas, elles en ont marre, comme elles disent. Ou, elles ne veulent plus être de simples vaches à lait, comme elles le disent elles-mêmes. Regardez un peu comme un compare, la femme qui enfante beaucoup, qui allait son enfant, de ce que Allah lui a accordé comme bienfait, elle est comparée par ces gens à une vache. Wal'a'adhu billah. Wa yaqulu subhanahu wa ta'ala, والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم رضاعه ولا المولد له رزقهن وكسوتهن بمعروف لا يكلف نفس إلا وسعها لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده ولا الوارث مثل ذلك. Et les mères, dans le sens il dit, les mères qui veulent donner un allaitement complet allaiteront leur bébé 2 ans complets au père de l'enfant de les nourrir et de vêtir de manière convenable. Nul ne peut supporter plus que ses moyens. La mère n'a pas à subir de dommages à cause de son enfant, ni le père à cause de son enfant. Même obligation pour l'héritier. Donc regardez, à la base, en islam, la femme, elle allaite. Et même cet allaitement a des règles, qui peut lui-même engendrer des droits de lien de parenté. Donc on voit que les droits de la mère en islam sont immenses. Et Allah cite la grandeur de cet acte, qui est l'enfantement, qu'elle soit enceinte, qu'elle accouche. Car lui sait parfaitement la fatigue ressentie par la femme lors de sa grossesse et de l'accouchement. Kama yaqul, wa wassayna al-insana bi walidayhi hamalatu ummuhu hawnan ala hawn wa fisaluhu fi 'amayn an ishkur li wa li walidayk ilayya al-masir. Il dit, nous avons commandé à l'homme la bienfaisance envers ses pères et mères. Sa mère l'a porté, c'est-à-dire subissant pour lui peine sur peine. Son sevrage a lieu à 2 ans. Sois reconnaissant envers moi ainsi qu'envers tes parents et vers moi et ta destination. Wa fi ayatin ukhra yaqul subhanahu wa ta'ala wa wassayna al-insana bi walidayhi ihsana hamalat ummuhu kuraha wa wada'athu kuraha wa hamluhu wa fisaluhu 30 shahra hatta idha balagha shuddahu wa balagha 40 sanatan qala rabbi awzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya wa 'amali salihah tardahu wasli li fi dhurriyyati inni tubtu ilayk wa inni minal muslimin. Donc nous avons enjoint à l'homme de la bonté envers ses pères et mères. Sa mère l'a péniblement porté et en a péniblement accouché. Et sa gestation et sevrage durant 30 mois. Puis quand il atteint ses pleines forces et atteint 40 ans, il dit « Ô Seigneur, inspire-moi pour que je rende grâce aux bienfaits dont tu m'as comblé, ainsi qu'à mes pères et mères, et pour que je fasse une bonne œuvre que tu agrées, et fais de que ma postérité soit de moralité saine. Je me réponds à toi, et je suis du nombre des sommets. » يقول ابن كثير في تفسير هذه الآية وإنما يذكر تعالى تربية الوالدة وتعبها ومشقتها في سهرها ليلا ونهارا ليذكر الولد بإحسانها المتقدم إليه. Donc ابن كثير dit quoi, que Allah سبحانه وتعالى cite ici l'éducation de la mère et de la fatigue et de la dureté qu'elle a ressentie du fait qu'elle est veillée nuit et jour par sa grossesse, afin de rappeler à l'enfant de la bienfaisance dont il doit faire preuve envers elle. Hein? De la bienfaisance dont l'enfant doit faire preuve envers elle. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم عن أبي هريرة جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله من أحق الناس بحسن صحبتي قال أمك ثم قال من قال ثم أمك قال ثم من قال ثم أمك قال ثم من قال ثم أبوك. Donc regardez un peu qu'un homme dit qu'il se rendit auprès du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et l'interrogeant en lui disant quelle est la personne qui est le plus en droit d'avoir ma bonne compagnie. Il dit ta mère. Il dit et ensuite qui donc. Il dit pour la deuxième fois ta mère. Et il lui dit ensuite qui donc. Et pour la troisième fois il répondit ta mère. Et il lui dit, et qui donc ensuite, pour la quatrième fois, il lui dit, ton père. Donc regardez un peu ce grand mérite qui revient à la mère. Bien que, bien plus que le père. Là, ils ne sont pas égaux. Là, il n'y a pas d'égalité, on la reconnaît. Là, la femme est au-dessus de l'homme. Du moins la mère. La mère. Pas celle qui n'a pas enfanté. La mère est au-dessus du père. Qui va contester? C'est un droit qui est évident. Bien que le père a sa part de mérite. Les parents ont leur part de mérite à la base, mais la mère plus que le père. Le père a sa part de mérite pour l'éducation des enfants, qu'il ait dépensé pour leurs besoins, en mesure de ses capacités. Et cette bonne éducation reçue portera ses fruits par Dua al-Walad Salih, par les invocations de l'enfant pieux. Comme il dit Ta'ala, وَرْفِدْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلْ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا. Et par miséricorde, abaisse pour eux l'aile de l'humilité et dit « Ô mon Seigneur, fais-leur à tous deux miséricorde comme ils m'ont élevé tout petit. » Tout comme les hadiths démontrant que, parmi les œuvres pieuses continuant après la mort du abd, du serviteur, une aumône courante, sadaqa jariya, wa ilm nafir, une science bénéfique, wa du'a al-walad salih, et l'invocation de l'enfant pieux en faveur de ses parents. Donc là, l'importance, hein, de s'occuper des enfants, et que cela portera ses fruits dans l'au-delà. Les médecins eux-mêmes, reconnaissent que le lait maternel est la meilleure nutrition pour l'enfant en bas âge. À la mère, elle n'a rien à faire. Walila al-ham, si ce n'est d'avoir une alimentation saine pour elle-même, qui se retransmettra dans son lait. Et cela ne coûte rien au père. L'allaitement ne coûte rien au père. Hein? Et voilà que ces gens, ils viennent dénigrer ce grand bienfait au nom de l'égalité des sexes, d'après eux, et des droits de la femme. Tout ça pourquoi? Qu'elle puisse sortir et aller travailler au milieu des hommes, remplir des fonctions pour lesquelles elle n'a pas été conçue, et qu'elle soit, dont elle est incapable d'assumer réellement. Certaines y arrivent, mais elles sont une exception, comme nous l'avons dit. Et sachez-le, les femmes qui se trouvent au milieu d'hommes et remplissent des fonctions qui ne sont pas les leurs, vous verrez que leur féminité, là je ne parle pas de féminisme, leur féminité en a pris un coup. Elles auront un côté masculin en elles. Les femmes qui côtoient les hommes et appliquent leurs tâches vont perdre de leur féminité. Ça c'est marlouf. Une femme garagiste, une femme électricienne, une femme plombière, une femme, je ne sais pas tous ces métiers-là, vous allez voir en elle une forme de masculinité. Ça, c'est, voilà, déjà le vêtement qu'elle revêt, les gens qu'elle côtoie, auront une influence sur son comportement. Elle ne sera pas aussi féminine, par exemple, qu'une, une infirmière pour les femmes, une institutrice, elles ne sont pas pareilles dans le comportement. Elles ne sont pas les mêmes. Donc même celles qui font ce travail-là, qui arrivent manuellement parlant, de leurs mains, elles arrivent, elles sont habiles, leur nature en prendra un coup. Et ça, c'est marlouf, c'est constaté. Donc nous disons que ces femmes, ce féminisme, incite les femmes à sortir et à travailler, tout ça pourquoi? Pour qu'elles leur prouvent qu'elles sont leur égales. Donc elles délaissent l'allaitement la tarbiya des aoulets, tout ça, pourquoi aller voir se mettre au milieu des hommes et dire on est comme vous, on peut faire comme vous, et on veut vos droits. On veut vos droits. Et également, ce féminisme l'incite à quoi? À ce qu'elle cesse d'obéir à son mari en lui tenant tête. Lui qui, tant bien que mal, on parle du muslim mustaqim, al-mutir, al-muttaqi, bien sûr, hein, le muslim droit, qui s'efforce d'accomplir ses obligations. Qui lui tente tant bien que mal de subvenir à ses besoins pour la préserver des sorties inutiles. Lui, il veut préserver sa femme. Il est jaloux. Il a de la jalousie. Hein? Également, il veut la préserver de la rahma pour elle, qu'elle se fatigue pour rien. Et il veut la préserver des fitaines qui est à l'extérieur. Et de beaucoup de problèmes qu'elle pourrait subir de la part des soufaha, des cervelés. Tout ça pourquoi? Pour qu'elle puisse tenir son foyer et s'occuper de ses enfants pour ne pas avoir à confier cette tâche à des incapables incrédules qui pourraient, eux, altérer sa nature première, c'est-à-dire de l'enfant, et voire même le faire sortir de l'islam. Tu mets tes enfants à l'école, ou en garderie, ou en colonie de vacances, ou en centre aéré, ou je ne sais quoi, chez des koufars, ton enfant, ils vont te le tuer. Ils ne vont pas lui apprendre à être pieux et à adorer Allah. Sûrement pas. Non. Et de là, yaqulu subhanahu wa ta'ala, wa qurna fi buyutikunna, wa la tabarrajna tabarruj al-jahiliyyati al-ula, wa qimna as-salah, wa atina az-zakah, wa atina Allah wa rasulah. Et restez dans vos foyers, et ne vous exhibez pas à la manière des femmes d'avant l'islam, c'est-à-dire al-jahiliya. Accomplissez la salat, acquittez la zakat et obéissez à Allah et à son messager. Donc nous disons que ce féminisme incite la femme à sortir et à tomber dans de nombreuses transgressions. Et Allah subhanahu wa ta'ala décrit quels sont les attributs de ces nobles servantes. Yaqulu subhana, fas-salihatu qanitatun hafizatun lil-ghayb bima hafiza Allah. Et les femmes vertueuses sont obéissantes, c'est-à-dire à leur mari, et protègent ce qui doit être protégé pendant l'absence de leur époux avec la protection d'Allah. Elles obéissent à leur mari. Tout cela fait partie de quoi? Min ibadatillah, de l'adoration d'Allah en vue de quoi? D'obtenir son pardon et sa miséricorde. Il n'y a aucune tristesse à en ressentir pour la femme. Taha, ma anzalna alayka al-Qur'an litashqa illa tazkiratan liman yakhsha. Taha, nous n'avons point fait descendre sur toi le Coran pour que tu sois malheureux. Si ce n'est qu'un rappel pour celui qui craint Allah. Le Coran, il n'est pas là pour alourdir la vie aux gens. Yuridullahu bikumul yusr, wa la yuridu bikumul usr. Qu'Allah veut pour vous la facilité, il ne veut pas pour vous la difficulté. Ce n'est pas une besogne, comme on dit, les gens disent. C'est une ibada, une adoration. Et subhanallah. Quel rabaissement y a-t-il pour la femme que de s'occuper de son foyer, de son mari, de ses enfants? Chose justement que l'homme, lui, ne saurait remplir comme une femme. Car il n'a pas été conçu pour cela. Mais pour des tâches à l'extérieur. D'autres tâches. Hein? Chacun son domaine et chacun son mérite. Akadao. Nevijel nasim maktasabu. Wal nisa nasim maktasabna. Was'elullah min fadli. Hein? Ne choyez pas, ne convoitez pas ce que Allah a préféré certains sur les autres. Que Allah a donné aux hommes ce qui leur revient et aux femmes ce qui leur revient. Et demandez à Allah de ses grâces. Demandez à Allah de ses grâces. Donc ce malheur n'est que pour celles qui font cela sans irtiseb. C'est-à-dire qu'elles n'ont pas, elles ne recherchent pas la récompense d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et pour les ignorants et les munafiqoun, on parle de ceux qui sont dans l'islam qui prétendent ce féminisme. Ceux-là pour qui ta'atullah, l'obéissance à Allah, c'est une corvée et un poids. Ça, c'est ces gens-là. Naam. Eux, ils se plaignent. Eux, ils pleurent. Eux, c'est dur. Pourquoi? Car ils ne sont pas sincères. Et malgré tout, même chez les koufars, la mère de famille, femme de foyer, sont bien plus sereines que celles qui se croient égales aux hommes. Car elles sont en réalité, ces femmes-là qui se croient égales aux hommes, hein, en réalité, ce sont elles qui sont leurs objets et leurs marionnettes. Pensez-vous qu'une femme puisse obtenir un haut rang au milieu des hommes sans qu'elle n'ait à en payer le prix? Et le prix, vous le connaissez, c'est quoi? Qu'elle va être agréée pour son intelligence, pour son état d'esprit? Pour ça que c'est ça que les hommes vont chercher chez une femme. Regardez par exemple un patron qui veut une secrétaire. Généralement, les secrétaires, elles ont des critères, même physiques. Hein? Même si elle a un bac, je ne sais pas combien, si elle n'est pas belle et qu'elle, je ne sais pas comment, il ne va pas la prendre. Même, regardez par exemple, les hôtesses de l'air. Elles ont des critères. Elles ont un casting à faire. Pourquoi? Qu'elles aient je ne sais quoi comme diplôme? Non. On leur demande d'avoir un physique. Et ce physique amène à quoi? À la turpitude. De la part de qui? De leur supérieur. Ou de faire plaisir au client. Que le client, comme on dit, se rince l'œil. C'est ça qui est voulu, en général. Le féminisme combat cela. On sait. Et l'islam aussi combat cela. Donc il n'y a pas lieu de prôner un féminisme et de combattre l'islam. L'islam aussi combat cela. La femme n'est pas à être utilisée de la sorte. La femme, en islam, elle est préservée, elle est chaste. Hein? Elle est pieuse et elle est pudique. Donc l'islam, devenir féministe et s'en prendre l'islam, ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. C'est à la zulm mahd. Ça, c'est une pure injustice. Donc nous disons, de là, certaines femmes ont osé mettre en place un organisme se nommant, on va dire la version soutenue, qui est ni prostituée ni soumise. On connaît leur nom, mais on ne va pas le prononcer car mayaslah. C'est-à-dire qu'elle se croit comme étant le juste milieu entre les filles qui sont devenues les objets sexuels des gars de quartier et celles qui sont soumises d'après elles à leur mari. Hein, et qui les maltraitent comme vous l'ensemble. Et elle vise par cela les femmes de l'islam. Ce qui est surprenant, c'est que lorsqu'on voit les noms des membres de cet organisme, des femmes plutôt, on n'y voit presque que des prénoms de femmes maghrébines. Ajib. Hein, pas de chrétiennes. Ou que très peu s'il y en a. Et encore moins des juives. Il n'y en a pas. Que des femmes qui sont d'origine musulmane. Hein, des femmes frustrées qui veulent s'intégrer dans un système de mécréants. Donc elles sont forcées de renier leur religion, comme le prouvent leurs actes et leurs paroles, même si certaines disent le contraire, qu'elles disent qu'elles sont de confession musulmane, mais elles sont non pratiquantes, et qu'elles sont de façon modérée, je ne sais quoi d'autre, et que si vraiment elles étaient un minimum sincères dans leurs prétentions, elles ne s'acharneraient pas à diffamer et à dénigrer les croyantes pieuses et ferventes pratiquantes. Non. Donc cette attaque démontre un ou au sous cause une mauvaise intention. Voyez. Donc, cette façon de faire, c'est celle des munafiqun. Donc nous disons que non seulement elles sont dans leur situation, elles sont dans la situation du l'arabe qui veut se dégager chez les Français, mais elles sont également, on ajoute à cela, des femmes qui veulent s'imposer au milieu des hommes. Donc c'est quoi? Double frustration. Frustration sur frustration. Une d'entre elles, je crois que c'est la fondatrice, je ne veux même pas la nommer, hein, elle prétend que cela, c'est-à-dire cet organisme qu'elle a mis en place, c'est le fruit de quoi? De son passé, où elle était victime de sévices sexuels commis sur elle par des jeunes de son quartier, qu'elle se faisait violer dans les caves des cités, et que de là, elle écrivit son livre qui est L'Enfer des Tournantes. Un livre honteux, qu'elle n'a pas honte de raconter toutes ces choses-là, des choses qui, à la base, tiennent de la pudeur, mais le hayak, elle n'a pas raconté, elle n'a pas propagé, elle n'a pas raconté. Cependant, elle a fait un livre, et elle en parle, soi-disant pourquoi? Pour justifier ses actes actuels. Hein? Et ensuite, elle veut tenter de s'en prendre également à l'islam. Et de jeter la faute sur nos sœurs vertueuses, qu'elles sont un rabaissement de l'image de la femme, qu'elles sont un frein quant à l'évolution de sa situation, et je ne sais quoi d'autre. Donc nous disons aux fasiquates rabissates de son genre, aux perverses et débauchées de son espèce, car ce genre de femme ne mérite aucun respect. Elles n'en ont pas pour elles-mêmes. Donc comment nous on va les respecter? Qu'est-ce qu'on leur dit? Hein? On leur dit quoi? Qui est-ce qui est dupe, Manel Robbie, hein? De ce rôle de victime que beaucoup de femmes veulent endosser? Regardez. Elles sortent habillées, on ne sait comment, à on ne sait quelle heure, au milieu d'on ne sait qui, à faire on ne sait quoi. Ensuite, quand il leur vient des mésaventures de la part des hommes, elles font les victimes innocentes qui n'ont rien à se reprocher. Hein? Elles sont comme des gens qui jouent avec le feu, et quand elles se brûlent, elles, voilà, elles s'en prennent aux pompiers. C'est adib. Hein? Je me brûle et je dis que c'est la faute du pompier. Et cela démontre bien que nos savants, hafizahumullah, wa rahimahullah lil amwat, ont expliqué les raisons de ces restrictions, de ces mesures préventives pour le bien-être de la femme, qu'elle n'est pas en mesure de se défendre. C'est pour ça qu'il leur arrive ce qui leur arrive. Donc si tu ne peux pas te défendre, alors ne provoque pas. Tu ne peux défendre, ne provoque pas. Wa billah alaykoum. Pensez-vous que ces jeunes de quartier, hein, ne savent pas qui choisissent pour faire commettre leur turpitude, et souvent sont commises, c'est vrai, sous l'effet de l'alcool et de la drogue, et ainsi de suite? Vous savez, vous pensez que ces jeunes-là, ils ne savent pas qui choisissent, qui vont voir pour faire ce genre de choses? Ils ne prennent pas la première venue. Ils savent très bien qui choisissent. Est-ce que vous pensez qu'une femme voilée, mutahajiba, par conviction, hein, on parle de celles qui se voilent par conviction, et non pas de celles qui jouent ou qui le portent par contrainte et qui n'ont qu'une seule envie, c'est de l'arracher. On ne parle pas de celles-là, on parle de celles qui la portent ta'atan lillah. Hein, ta'atan lillah. Pensez-vous qu'une femme de la sorte, qui ne sort que rapidement pour des besoins, ou alors qui ne sort qu'en présence de ses maharim, de ses mahram, ou en compagnie d'autres sœurs droites, comme l'islam y appelle, et que cette femme, dont le père ou les frères sont reconnus pour une droiture sur l'islam, même s'ils ne sont pas vraiment des salafis, mais qui surveillent leurs sœurs ou leurs filles, ainsi de suite, pensez-vous que ce genre de femme pourrait être victime de tournantes dans les cités? Hein? De subir une telle humiliation? D'où la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ya ayyuhan nabiyyu qul li azwajik wa banatik wa nisa'il mu'minin yutnina 'alayhinna min jalalibihin. Dhalika adna an yu'rafna fala yudhayn wa kana Allahu ghafuran rahima. Qu'est-ce qu'il dit Allah subhanahu wa ta'ala dans le sens? Ô prophète, dis à tes épouses, à tes filles et aux femmes des croyants de ramener sur elles leur grand voile. Elles en seront plus vite reconnues et éviteront d'être offensées. Allah est pardonneur et miséricordieux. Regardez bien, Allah subhanahu wa ta'ala, il a mis des règles et des choses pour préserver ses serviteurs. Hein, et regardez un autre exemple, que malgré que la femme soit de nature faible, regardez un peu cette bravoure, cette fierté qui était présente chez qui? Chez les meilleures des femmes, les sahabiyat, hein, qui étaient prêtes à faire les causes pour se défendre lors des combats. Malgré cette faiblesse, elles étaient prêtes à faire les causes. Anas, radiallahu anhu, qala ana Sulaym, ittakhadhat yawm Hunayn khanjara. فكان معها فراها أبو طلحة فقال يا رسول الله هذه أم سليم معها خنجر فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم ما هذا الخنجر قالت اتخذته إن دنا مني أحد من المشركين بكرت به بطنه فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يضحك. Regardez qu'est-ce qu'il dit Anas, comme cela fut rapporté dans les deux sahih muttafaqun alayhi, que Um Sulaym, le jour de la bataille de Hunayn, elle avait pris avec elle un poignard. Hein, elle avait avec elle un poignard sous son hijab. Et qu'Abu Talha l'avait vu, il était avec elle. Donc il dit au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, ya Rasulallah, regarde Sulaym, elle a avec elle un poignard. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam interrogea, qu'est-ce que ce poignard? Et qu'est-ce qu'elle lui dit? Elle lui dit, si jamais il y a un des mouchriks qui s'approche de moi, je le poignarde avec. Regardez un petit peu cette bravoure, cette fierté. Si un de ces mouchriks, de ces impuretés, s'approche de moi, je le poignarde avec, prêt à se défendre. Hein? Quelle fut la réaction du prophète sallallahu alayhi wa sallam? Il rigola. Donc il a prouvé la chose. C'est-à-dire, non seulement il a son hijab pour pas qu'on l'approche, mais en dessous du hijab, elle a quoi? Une arme pour se protéger. Regardez un peu les sahabiyat comment elles étaient. Radiallahu anhunna ajma'in. Donc ces féministes maghrébines, elles complexées de leur arabité face aux françaises et de leur féminité face aux hommes, en reniant leur islam, leur exemple c'est quoi? Comme des naufragés au milieu de la mer qui refuseraient de la bouée de secours en disant que celle-ci l'a fait couler. Et qu'est-ce qu'elles font? On jette la bouée, mais on prend à la place une pierre. C'est ça ma sauvegarde, c'est prendre une pierre au milieu de la mer. Bah tu vas couler. Voilà ce qui va t'arriver, tu vas couler au fin fond des abysses. Et voilà ce qui leur arrive à ces femmes. Que des problèmes. Regardez ce truc-là des prostituées soumises, qu'est-ce qui leur arrive aujourd'hui? Que des problèmes d'histoire d'argent, je ne sais quoi. Elles causent leur destruction de leur propre main. Donc je le dis clairement que bien nombre de prostituées actuellement, celles des rues, sont peut-être meilleures que ces femmes féministes frustrées islamophobes. Qu'à l'origine, chez la prostituée à la base, et qu'elle vend son corps dans un coin de la rue, en échange de quoi? D'un salaire pour manger. Sans faire de sa prostitution une doctrine pour égarer les autres femmes. Et peut-être même qu'au fond d'elle, elle voudrait arrêter et changer de métier, mais elle n'a pas trouvé autre chose pour le faire. Attention, je ne suis pas en train de la défendre. Ça, c'est haram. Mais je vous dis juste pour comparer entre le pire avec le moins pire. C'est ça que je fais. Mais je ne suis pas en train de dire que c'est bien. Auzubillah, que je dise ça. Là, on parle justement comparer ces femmes féministes qui se disent, sans dire qu'elles ne sont pas des prostituées, et la vraie prostituée de rue. La différence entre les deux. D'accord? Donc, elles, à la base, très probablement, usent elles-mêmes de leur corps en coulisses, en cachette, en vue d'obtenir un rang mieux des hommes, s'imaginant pouvoir se mettre dans la poche. C'est-à-dire, elles vont les acheter en faisant quoi? En vendant leur corps, mais elles ne vont pas le dire. Elles ne vont jamais le dire. Mais elles vont le faire en cachette. Et également, en agissant de la sorte, qu'est-ce qu'elles font? Elles se soumettent justement au ta'arout, ce système mis en place par ces mêmes hommes qu'elles veulent égaler. Donc, on se demande maintenant qui sont vraiment les prostituées et qui sont les soumises. Hein? Qui sont-elles? Nos sœurs ou ces femmes? Nos sœurs, sûrement pas. Prostituées abadan et soumises nam à Allah. Mais ces femmes-là, parmi elles, qui vendent leur corps en cachette pour obtenir un statut dans ce système auquel elles vont se soumettre. Donc leur nom, déjà, c'est un mensonge, c'est un kazib. Hein, c'est un kazib. Donc ça, c'est misère sur misère. Et bien qu'elles tentent de le refuser verbalement par leur âme, elles sont toutes, elles sont quand même toutes soumises aux lois naturelles d'Allah. Ces femmes, elles sont soumises aux lois d'Allah. Elles disent, je ne suis pas soumise, tu es soumise. On te défie que tu arrêtes la vieillesse. Allez, ne vieillis plus, tu n'y arriveras pas. On te défie de ne pas tomber malade, tu n'y arriveras pas. On te défie de ne plus jamais dormir, tu n'y arriveras pas. Donc tu es soumise. Que tu le veuilles ou pas, tu es soumise. Tu es soumise. Seulement physiquement. Dans ton âme, tu ne l'es pas. Bainak ou bain rabbik. Entre toi et ton Seigneur, Yom al-Qiyamah, à part s'il a fait Toba, ce qu'on lui souhaite. Mais pour l'instant, là, on parle du waqi'a, la réalité actuelle. D'accord? Donc si vous constatez bien, il tente de stigmatiser l'homme musulman comme étant un pacha dictateur qui opprime sa ou ses pauvres femmes voilées, qu'elles sont des esclaves, traitées comme des animaux. Alors que tout cela, à la base, est totalement contraire aux valeurs inculquées par l'islam. Ça, c'est contraire à l'islam. Si des gens agissent comme ça, c'est que à eux-mêmes. Yaqulu subhanahu wa ta'ala, wa ashiruhunna bil ma'ruf, fa in karahtumuhunna, fa asa an takrahu shay'an wa jalla Allahu fi khayran kathira. Et comportez-vous convenablement envers elles, c'est-à-dire envers vos femmes. Si vous avez de l'aversion envers elles durant la vie commune, il se peut que vous ayez de l'aversion pour une chose où Allah a déposé un grand bien. Donc Allah nous appelle à quoi? Être bienfaisant envers nos femmes. Donc cette diabolisation de l'homme musulman, elle est fausse. Allah ne nous a pas demandé d'être comme ça. D'accord? Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous enseigne le bon comportement à avoir envers les femmes. Un Nabi Ureira, radiallahu anhu, quand il a dit à Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, Akmalu al-mu'minin imanan wa ahsanuhum khulukan wa khiyalukum khiyalukum linisa'ihim. Rawu Tirmidhi. Qu'il dit que le meilleur, le plus parfait comme croyant dans sa foi et de meilleur comportement, c'est celui qui est le meilleur avec ses femmes. Hein? Celui, regardez bien que cela fait partie de quoi? De la perfection de la foi et du bon comportement que de bien se comporter envers les femmes. Et que celui qui n'agit pas de la sorte porte son propre péché. C'est lui qui endosse tout seul. Cela n'est pas au nom de l'islam, et au nom de tous les musulmans, et encore moins des salafis. Et encore moins des salafis. Et ce manquement ne provient que de lui-même. Cela ne revient pas à l'islam. Et bien, de nombreux hadiths authentiques sont venus dans ce sens. Beaucoup de hadiths. Donc, vu que le temps, afin d'écourter et de pouvoir mieux parler sur le sujet, sur la suite, il s'agissait là de la première partie. D'accord? C'est une première partie. Et on débattra d'autres points, et peut-être même de cela encore. La deuxième partie qui, elle, sera Inch'Allah mardi, comme cela a été annoncé sur le site. Donc je le répète, le but là n'est pas de rabaisser la femme muslima. Avadan. Elles sont nos sœurs honorées et aimées en Allah. Azizat alayna. Bien au contraire, notre but est de les défendre. De défendre leur honneur bafoué, leur image ternie et salie par ces femmes noyées dans les complexes et les frustrations face aux ennemis de l'islam et soumises à leur système. En réalité, salir nos sœurs comme elles le font, ce n'est qu'un moyen. Car bien qu'elles prétendent vouloir les secourir, soi-disant, et les réveiller, soi-disant, elles n'en ont que faire d'elles. Elles s'en fichent des musulmans. Leur véritable objectif, c'est quoi? De s'en prendre à l'islam, la dinillah, et d'être au service du tarout. Comme quand le ta'ala, قد نعلم انه ليحزنك الذي يقولون فانهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بايات الله يشهدون. Nous savons qu'en vérité, ce qu'ils disent te chagrine. Or, vraiment, ils ne croient pas que tu es un menteur. Mais ce sont les versets d'Allah, c'est-à-dire le Coran, que les injustes renient. C'est ça qu'ils veulent s'en prendre. Là, cette femme n'est qu'un moyen d'arriver au quoi? Au vrai but qui est de quoi? S'en prendre à l'islam. Car ce féminisme, en vrai, n'est même pas mis en place par des femmes, mais par des hommes derrière. Et on les connaît encore qui ils sont. Vous voyez ? Fa bihadha qadr. Bihadha qadr naktafi. On asal Allah anfa'ana bima samiana wa ma kulna. Wa yujannib fil muslimin fitan ma zahra minha wa ma batan. Wa nakul subhanaka lawma wa bihamdik. La ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk.